Un ingénieur avait dit un jour à Rivière, comme il se penchait sur un blessé, auprès d'un pont en construction, « Ce pont vaut-il le prix d'un visage écrasé ?» Pas un des paysans, à qui cette route était ouverte, n'eût accepté, pour s'épargner un détour par le pont suivant, de mutiler ce visage effroyable. Et pourtant, l'on bâtit des ponts. L'ingénieur avait ajouté, « L'intérêt général est formé des intérêts particuliers. Il ne justifie rien de plus. » Et pourtant, lui avait répondu plus tard Rivière, « Si la vie humaine n'a pas de prix, nous agissons toujours comme si quelque chose dépassait en valeur la vie humaine. Mais quoi ?» Et Rivière, songeant à l'équipage, eut le cœur serré. L'action, même celle de construire un pont, brise des bonheurs. Rivière ne pouvait plus ne pas se demander « Au nom de quoi ?» Ces hommes, pensait-il, qui vont peut-être disparaître, auraient pu vivre heureux. Il voyait des visages penchés dans le sanctuaire d'or des lampes du soir. Au nom de quoi les a-neige tirés? Au nom de quoi les a-t-il arrachés au bonheur individuel? La première loi n'est-elle pas de protéger ces bonheurs-là? Mais lui-même les brise. Il existe peut-être quelque chose d'autre à sauver et de plus durable. Peut-être est-ce à sauver cette part-là de l'homme que Rivière travaille? Sinon, l'action ne se justifie pas.